vent planté enfin avec le temps. Une femme m'a donné cet enfant que je dois. À mon tour, consoler. Est-ce que je suis un que je dois à mon tour consoler. Que je suis un homme sage, le deviendrai-je un jour? Au milieu de toutes ces vagues, j'ai du mal à garder le cap. Est-ce que je suis un homme sage, le deviendrai-je un jour? Au milieu de toutes ces vagues, j'ai du mal à garder. Réussi, reste toujours debout. Tracer ou bien chercher ailleurs. Pour le pire, le meilleur, chacun peut bien choisir son destin ici-bas. Est-ce que je suis un homme sage, ou deviendrai-je un jour? Au milieu de toutes ces vagues, j'ai du mal à garder le cap. Est-ce que je suis un homme sage, ou deviendrai-je un jour? Au milieu de toutes ces vagues, j'ai du mal. Il est content, Benjamin, il s'est fait plaisir. Hmm.